1 Corinthiens chapitre 12. Or, pour ce qui regarde les dons spirituels, je ne veux point, mes frères, que vous en soyez ignorants. Vous savez que vous étiez gentils, entraînés après les idoles muettes, selon que vous étiez menés. C'est pourquoi je vous fais savoir, que nul homme parlant par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus doit être rejeté, et que nul ne peut dire que par le Saint-Esprit, que Jésus est le Seigneur. Or il y a diversité de dons, mais il n'y a qu'un même Esprit. Il y a aussi diversité de ministères, mais il n'y a qu'un même Seigneur. Il y a aussi diversité d'opérations, mais il n'y a qu'un même Dieu, qui opère toutes choses en tous. Or, à chacun est donnée la lumière de l'Esprit pour procurer l'utilité commune. Car à l'un est donné par l'Esprit, la parole de sagesse, et à l'autre par le même Esprit, la parole de connaissance. Et à un autre, la foi par ce même Esprit, à un autre, les dons de guérison par ce même Esprit, et à un autre, les opérations des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le don de discerner les esprits, à un autre, la diversité de langues, et à un autre, le don d'interpréter les langues. Mais un seul et même Esprit fait toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons comme il le trouve à propos. Car comme le corps n'est qu'un, et cependant il a plusieurs membres, mais tous les membres de ce corps, qui n'est qu'un, quoiqu'ils soient plusieurs, ne sont qu'un corps, il en est de même de Christ. Car nous avons tous été baptisés d'un même esprit, pour être un même corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, nous avons tous, dis-je, été abreuvés d'un même esprit. Car aussi le corps n'est pas un seul membre, mais plusieurs. Si le pied dit, parce que je ne suis pas la main, je ne suis point du corps, n'est-il pas pourtant du corps? Et si l'oreille dit, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis point du corps, n'est-elle pas pourtant du corps? Si tout le corps est l'œil, où sera l'ouïe? Si tout est l'ouïe, où sera l'odorat? Mais maintenant Dieu a placé chaque membre dans le corps, comme il a voulu. Et si tout était un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant il y a plusieurs membres. Toutefois il n'y a qu'un seul corps, et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai que faire de toi, ni aussi la tête aux pieds, je n'ai que faire de vous. Et qui plus est, les membres du corps qui semblent être les plus faibles, sont beaucoup plus nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables au corps, nous les ornons avec plus de soin, et les parties qui sont en nous les moins belles à voir, sont les plus parées. Car les parties qui sont belles en nous, n'en ont pas besoin. Mais Dieu a apporté ce tempérament dans notre corps, qu'il a donné plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel les uns des autres. Et soit que l'un des membres souffre quelque chose, tous les membres souffrent avec lui, ou soit que l'un des membres soit honoré, tous les membres ensemble s'en réjouissent. Or vous êtes le corps de Christ, et vous êtes chacun un de ses membres. Et Dieu a mis dans l'Église, d'abord des apôtres, ensuite des prophètes, en troisième lieu des docteurs, ensuite les miracles, puis les dons de guérison, les secours, les gouvernements, les diversités de langues. Tous sont-ils apôtres, tous sont-ils prophètes, tous sont-ils docteurs, tous ont-ils le don des miracles, tous ont-ils les dons de guérison, tous parlent-ils diverses langues, tous interprètent-ils? Or désirez avec ardeur des dons plus excellents, et je vais vous en montrer un chemin qui surpasse encore de beaucoup.